Whitney Houston, I'm Every Woman, en fait une reprise de Chaka Khan. Et cette reprise figure sur la bande originale du film Bodyguard. Vous savez, le film avec Whitney Houston et Kevin Costner. D'ici quelques minutes, nous aurons avec nous en direct Chantal Goya, car elle doit venir chanter ce samedi à Angers. Le 16-18, France Bleu Loire-Océan, sortie, spectacle, bonne humeur et vous. Le retour d'Ulysse dans sa patrie, de Monteverdi, avec l'Angers Nantes Opéra, à la Cité des Congrès de Nantes, samedi 28 octobre à 18h. Le retour d'Ulysse dans sa patrie, de Claudio Monteverdi, avec l'Angers Nantes Opéra, à la Cité des Congrès de Nantes, samedi 28 octobre à 18h. Gagnez vos invitations sur France Bleu Loire Océan. Toutes les infos sur angersnantesopéra.com. Du 16 au 22 octobre, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon est de retour pour la 14e édition. Près de 150 séances, des films en première française, des rencontres avec notamment Emmanuel DeVos, Damien Bonnard, Barbet Schroeder, des séances pour le jeune public et tant d'autres réjouissances à découvrir. Plus d'infos sur fif-85.com. Les 21 et 22 octobre, rendez-vous au marché fermier à Casson. Sur place, 27 producteurs, foie gras, miel, fromage, gâteaux et bien d'autres encore. Restauration le midi et animation pour les enfants. Venez nombreux les 21 et 22 octobre au marché fermier à Casson. Plus d'infos sur foie-gras-nantes.com. Seniors, vous recherchez une location en résidence-service ? Les seigneuriales d'Angers, de Cholet et des Sables-d'Olonne vous ouvrent leurs portes du 18 au 21 octobre, de 10h à 19h. Visitez une résidence et profitez de la promotion « Un mois de loyer offert ». Du 18 au 21 octobre, découvrez Seigneurial, les résidences seniors où il fait bon vivre. France Bleu, Loire-Océan. La Loire-Atlantique, c'est vous qui en parlez le mieux. On va à la mer, à la pointe de Castille, c'est juste avant Piriac. Ou alors on va à Préfailles, on fait des pique-niques et on mange des crêpes. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. Mylène Farmer, c'est une légende de la chanson française. Chantal Goya aussi quand même, eh oui, et elle aussi, elle aime bien l'univers fantastique, hein. C'est ce qu'elle chante dans ses chansons, sur la route enchantée, c'est le spectacle qu'elle va donner donc à Angers ce samedi dans l'après-midi, et avec nous, donc d'ici quelques minutes, elle va nous en parler. Qui s'unissent et se partagent l'innocence humaine. Mylène Farmer sur France Bleu Loire Océan, sans logique. Amateur de cinéma d'épouvante, vous allez vous régaler à Rezé avec la nuit de l'horreur. Vous allez pouvoir fêter donc Halloween au cinéma Saint-Paul de Rezé. Vous allez découvrir trois films qui ont été spécialement sélectionnés pour vous faire frissonner toute la nuit. Par exemple, Rec, le film de zombies espagnol qui a eu un succès mondial, ou The Thing de John Carpenter, un alien avant l'heure. Tenir jusqu'à l'aube, donc sans se dégonfler devant ces films qui font peur, un vrai challenge. Alors, vous pouvez aussi bien voir un film ou passer toute la nuit. Alors, le tarif pour un film, c'est 6 €. Et sinon, pour la nuit de l'horreur, c'est 15 € avec une petite restauration, un bar ouvert entre les projections et le petit déjeuner offert à la fin des projections. Le premier film va être projeté à 21 h au cinéma Saint-Paul à Rezé. Etienne Tao avec Vanessa Paradis sur France Bleu Loire Océan, c'est Tirer la nuit sur les étoiles. Et ensuite, avec nous, Chantal Goya. Rouler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nos interdits. Interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. La nuit nous appartient. Première étreinte au matin pâle. Etienne Dao, que vous pourrez voir en concert au Zénith de Nantes le mardi 7 novembre prochain. En direct de la route, enchantée avec nous, Chantal Goya. Bonjour Chantal. Bonjour. Oh, tellement ravi de vous avoir. Merci. Avec nous en direct, oui. Donc, merci. Vous êtes sur la route enchantée en ce moment? Ah oui, partout, dans toute la France, exactement. Alors, dans ce spectacle, il y a cet univers fantastique que vous affectionnez. On va où avec vous? Ben, on va un peu partout. On part dans une forêt, la forêt de Brocéliande. Ensuite, on s'en va vers le château du Chaboté. Et puis on part ensuite à Venise avec tout Polichinelle. Enfin voilà, c'est un très joli spectacle que le public affectionne beaucoup parce que j'ai écouté tout ce qu'ils m'ont demandé un jour. Ils m'ont dit, on aimerait tellement revoir Polichinelle, Pinocchio. Je dis, bah alors voilà, ça y est, on va le faire. Et voilà, et on l'a fait. Et c'est, je suis vraiment heureuse parce que le Palais des Congrès était un énorme succès. J'en ai fait deux dans une journée. 7000 oui. personnes, et puis là, je pars en tournée. Ça y est, je repars. Et vous allez passer à Angers ce samedi à 14h30. Faut pas vous Exactement. Louper. Vous serez Marie-Rose, notre guide dans cet univers merveilleux. Voilà. Et ouais. Merci. Alors, vous avez parlé de Polichinelle, mais il y a aussi d'autres personnages emblématiques. Ah ben, y a, évidemment, il y a tout le Pandi Panda qui fait un standing ovation à chaque fois. Mon arrivée dans la forêt de Brocéliande avec tous les personnages. Le lapin, Pandi Panda, Bécassine. Le renard, oui, ils sont tous là. Hein. Ah ouais, c'est fort. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Toutes les chansons qu'a écrit Jean-Jacques Debout un jour, j'aurais jamais pu imaginer dans ma tête qu'aujourd'hui, je les rechanterais et que ça aurait un tel succès. Ouais, Chantal Goya, vous êtes éternelle. Voilà. Ah, ben votre gentil, répertoire merci. Est éternel. Et, oui. Et au fait, une fois, vous m'avez parlé, quand vous étiez venu à Nantes, de l'éventualité oui. d'un musée. Parce que, en fait, de tournée en tournée, y a des entrepôts qui sont pleins, non? Ben, c'est complètement vrai. C'est rempli de belles choses qui ont été faites à l'époque par des grands spécialistes de théâtre. C'est que moi, j'ai toujours gardé tous mes décors, mes costumes de scène. C'est ça que les gens remarquent, c'est que ce sont des spectacles qui sont très riches en décors, costumes, musique, les ballets, les danseurs, tout le monde est là. Et bien sûr, un musée. Et puis surtout, là déjà, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. C'est que j'avais rencontré une de mes amies qui est productrice de dessins animés. Elle m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas tous tes spectacles en dessin animé? Ah ben, ça serait génial. Marie-Rose en dessin animé pour le cinéma, en plus. Pour le cinéma, génial. Donc, ça génial. Sera pour 2026, voilà. Waouh, merci, génial, je sais hein, scoop. Je donne l'info, là, ça vient d'arriver. Ah oh ben, merci beaucoup, Chantal Goya. Donc, et puis après, il y aura un musée, certainement, avec tout ça, quand même. Hein. Bah ouais, bien sûr. Alors, Jean-Jacques est ravi, parce qu'il me dit, franchement, c'est un joli cadeau pour le public, et puis pour lui, qui est le compositeur et l'auteur, et qui a inventé Marie-Rose, surtout. Ben, complètement. Et la route enchantée vous mène donc à Angers ce samedi. Oui. Ne faut pas vous louper à 14h30. Sinon à Nantes, vous passez chez nous aussi à Nantes au mois de mars, le 3 mars Exactement. 2024. Merci et d'avoir Angers, été. Je connais bien parce que c'est là où c'est Angers, c'est là où est née la maman de Jean-Jacques, aux Adouceurs en Vigne, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Oui, côté très doux qu'à Jean-Jacques, ça vient d'Angers, ça vient de la région. Sa plus. Maman est née là-bas. Ben oui, toute la famille est née là-bas. Waouh. Merci Chantal Goya. Bah merci de m'avoir invité. Merci, à bientôt. Je vous embrasse à bientôt. Tous. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Daniel Lévy. Hein, c'est les 10 commandements, ça. C'est la comédie musicale des 10 commandements. Avec ce tube, l'envie d'aimer sur France Bleu Loire-Océan. C'est tellement ça. L'amour à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien. Daniel Lévy, donc le chanteur des 10 commandements avec l'envie d'aimer. Sur France Bleu, Loire-Océan, avant 17h, un détour par le monde du spectacle, de ceux qui se donnent, qui donnent de leur temps, les bénévoles de la revue des Roussy-Pontins à Rosé. Le 16-18, France Bleu, Loire-Océan. Sortie, spectacle, bonne humeur et vous. C'est bon, Joël ? On a le sécateur ? Parfait. La binette aussi ? Bon, le râteau ? Bah c'est tout bon, on a les outils, on est prêt pour vous accompagner chaque dimanche matin sur France Bleu Océan de 9h à 10h avec notre expert Joël Lemaître, pépiniériste à Carquefou, qui va répondre à toutes vos questions concernant les fleurs, les plantes, votre jardin en général. Alors n'hésitez pas, rendez-vous dimanche 9h, 10h sur France Bleu Océan pour tous au jardin. Mois tout juste après leur dernier match à domicile, les Canaries retrouvent enfin leur rectangle vert en championnat. Le FC Nantes goûtera-t-il à nouveau au succès à domicile face à son ancien coach Michel Derzakarian ? Le FC Nantes pourra-t-il continuer sur sa belle lancée face à une équipe qui joue gros dans ce championnat ? Réponse ce dimanche après-midi avec au commentaire Florian Cazola dès 14h pour vivre cette rencontre entre Montpellier et le Football Club de Nantes en direct et en intégralité sur France Bleu Loire-Océan. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. 16h40, l'info trafic pour vous sur les routes de Loire-Atlantique et de Vendée. La Lilou nous a appelé parce qu'elle a constaté qu'il s'est passé un accident au niveau de Malville sur la N165, donc au niveau de Malville. C'est dans le sens Nantes-Vannes ou Saint-Nazaire. Donc les problèmes de circulation qui suivent de cet accident, qui sont les conséquences de cet accident, c'est un bouchon qui commence à apparaître là à partir de Vigneux de Bretagne. Plusieurs véhicules sont en cause, deux voitures. Les secours sont déjà sur place. Merci à Lilou de nous avoir appelé au 02 40 73 6000. Jean-Jacques Lester sur France Bleu Loire-Océan. Vos reportages fiers d'ici chaque semaine pour découvrir donc les coulisses, par exemple là, de la revue des Roussy-Pontins hein, qui se prépare pour les représentations du mois de novembre. Ils sont encore en pleine répétition. Vous allez découvrir l'un des artistes amateurs de la revue des Roussy-Pontins. C'est le chanteur Fred qui va être avec nous sur France Bleu Loire-Océan. Le livre du jour, ça c'est avant 17h, avec le coup de cœur des libraires indépendants des Pays de la Loire. Aujourd'hui, il s'agit d'un roman de survie post-apocalyptique avec l'accident d'une centrale nucléaire. Ça s'appelle Les Terres Animales et c'est le choix de la librairie Parchemin à Saint-Florent-le-Vielle. Samba ! Un groupe allemand, oui, un groupe allemand avec ce tube de l'été 97. Bellini, c'est aussi le nom d'un cocktail. Vous mettez donc des bulles hein, avec donc une purée de pêche blanche hein, et ça serait la boisson emblématique de la ville de Venise en Italie, à consommer évidemment avec modération. Fier d'ici. À l'honneur, les fiertés locales avec ces reportages. Cette fois, les bénévoles de la revue des Roussy-Pontins à Rezé, car cette joyeuse troupe des Roussy-Pontins va revenir sur scène au théâtre municipal de Rezé pendant ce mois de novembre prochain avec un nouveau spectacle, La retraite dépasse les bornes. Et nous voilà en train d'assister à une répétition à Rezé. Et là, il va y avoir une petite... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai un petit truc à rajouter. Et là, il va y avoir... Enfin, une petite musique, et là... Vous avez quelques minutes pour moi, là. Avec parce que c'est vrai, c'est en pleine répétition, c'est pas évident. Non, mais ça va. Vous êtes depuis quand dans la revue ? Trois ans. Et comment vous êtes arrivé dans la revue ? Alors, j'ai déjà un passé de comédien depuis 25 ans du côté de Clisson, à Bousset. Et ouais. J'ai fait 3 ans la revue Bonne Garde, il y a quelques années, donc il y a 11 ans. Et j'avais arrêté parce que avec mes enfants, voilà, la vie de famille, la vie professionnelle. Et oui, parce que c'est quand même chronophage, hein. Il y a beaucoup de répétitions, c'est des mois de préparation. C'est assez intense, mais l'avantage de la revue des Roussy-Pontins, c'est que c'est concentré en 3 mois, et ça, c'est agréable. Donc, ah oui, d'accord. Mais c'est quand même 3 mois. Alors, quand même, bravo. Merci. C'est 2 gros mois de répète, et après, c'est que du plaisir sur scène pendant un mois. Vous êtes chanteur, là, dans cette revue des Roussy-Pontins. C'est ça, je suis chanteur. Je fais partie de l'équipe des 8 personnes, 4 chanteuses, 4 chanteurs. Mmh. Voilà. Vous chantez quoi, cette saison ? Alors, c'est très varié. On a du Juliette Armanet, on a du Stromae, on a Village People, on a de tout. C'est très, la revue des Roussy-Pontins, c'est ça qui est très agréable avec cette revue, c'est que tous les chants sont très modernes et ça colle à l'actualité, c'est top. Ah ouais. Par exemple, Juliette Armanet, qu'est-ce que c'est comme morceau ? Alors, c'est le morceau, c'est La Flamme. C'est pas les lacs du Connemara. Non, c'est pas les lacs. Exactement, c'est pas les lacs du Connemara. Il faudra qu'on vienne pas se venir Michel Sardou, un de ces quatre, au bout. Ouais. Non, mais avec la polémique de cet été. Tout à fait. Voilà. J'y ai fait référence. Et donc, c'est la flamme. Pourquoi la flamme olympique ? Alors, non, c'est pas la flamme olympique. Enfin, je pense pas que ça a été écrit comme ça. C'est notre prologue, c'est notre départ. Ah, donc, ouais. on va être en flamme. Et voilà, et les paroles ont été modifiées en partie pour que ça corresponde à la revue des Roussy-Pontins. Et Stromae, c'est quel morceau ? C'est Papa Outé. Ah oui ? Voilà, donc ça aussi, les paroles ont été modifiées pour que ça colle au sketch qu'il y a juste avant. Si je devais vous faire chanter un petit peu là quand même. Je peux chanter ce qu'on a en train de répéter. Ouais, voilà. Je vous en prie. Nous on est des vrais monomaniaques. La seule chose qu'il nous faut, la niaque, on vous fait payer la taxe. Ah, c'est dans un sketch particulier. C'est un sketch sur l'écologie. Merci Fred, je vous libère. Merci. Je vous laisse partir en répétition. Désolé de vous avoir accaparé hein. C'est pas de problème, c'est cool. La nouvelle revue des Roussy-Pontins à Rezé, donc en 2023, c'est La retraite dépasse les bornes, et c'est à voir du 4 au 26 novembre prochain au Théâtre Municipal de Rezé. Et voici Héloïse avec sa chanson Ebrow sur France Bleu Loire-Océan. À cette colère, ramassant des algues, je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Message, mais quand le verrai-je? Combien de mois? À quel âge? Mais putain, qu'est-ce t'attends? Ça me fout la rage. Hey bro, staring at the sky, and I see you. J'aimerais tant te serrer dans mes bras. Pam pam pam pam da da. un étranger, j'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meurt. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Hey boy, staring at the sky in ICU. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam. Héloïse sur France Bleu Océan. Le coup de cœur des libraires indépendants des Pays de la Loire, le réseau Alip, A-L-I-P, avec une application que vous pouvez télécharger gratuitement et ensuite commander ces coups de cœur que l'on découvre tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes en bord de Loire, à Saint-Florent-le-Vielle, à la librairie Parchemin, avec Michel Germain. Bonjour Michel. Michel. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi pour nous aujourd'hui Les Terres Animales de Laurent Petit-Mangin. J'aurais donc un roman de survie puisqu'il se passe un accident terrible d'une centrale nucléaire dans ce livre. Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'histoire de cinq personnes qui, suite à un accident radioactif, décident de rester sur place. On leur a proposé de partir, mais eux décident de rester sur leur terre. Trop de souvenirs, en fait, les rattachent à ce lieu, en partie pour un couple qui a perdu sa petite fille et qui ne veulent pas quitter les lieux, quoi. On ne sait pas trop où ça se passe en France, mais où on ne sait pas. Et en fait, leur amitié leur permet de tenir le coup dans cette zone un peu désertée quand même. Et ils se rattachent à plein de petites choses. Ils se sont donné 3 ans pour vivre dans ce lieu. Et il y a quelque chose qui va faire que tout va éclater. Voilà, je... C'est dit sur la 4e de couverture, je peux quand même le dire. Un enfant va apparaître, va être attendu. Voilà. D'accord. Donc ça va transformer un peu leur vie, leurs décisions. Voilà, c'est moi ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que mais il y a plein d'humanité. C'est très bouleversant comme histoire même. Et en même temps déstabilisant parce qu'on se dit ben voilà qu'est-ce qu'on ferait si ça arrivait un jour chez nous. Oula, oui. Voilà. Hein. Mais après c'est pas un roman complètement désespérant non plus. Il y a beaucoup de lumière dedans. C'est un vrai conteur donc qui nous entraîne vraiment dans son univers. Et les terres animales. Hein. Ouais. De Laurent Petit-Mangin. Mais alors cet auteur justement va venir chez vous bientôt. Et voilà, avec joie. C'est son 3e roman. J'ai beaucoup aimé les autres. Donc, j'ai la chance de le recevoir vendredi 27 octobre à 19h30. C'est le vendredi de la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. À la librairie Parchemin. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Michel Germain. Avec plaisir. Et une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. La Loire-Atlantique, c'est vous qui en parlez le mieux. Petit coin de paradis, il est à Préfaille, il est à la pointe Saint-Gilda, parce que je suis amateur de bodyboard et que c'est vraiment pour moi le plus beau spot de la région. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. Et avant les infos de 17h, c'est la chanteuse Adé, Tout Savoir. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Personnage d'avant,

La météo, beaucoup de pluie et de vent. Et oui, ça va continuer pour la journée de demain. On pourrait voir quelques rares éclaircies, mais globalement, ce sera de la pluie en Loire-Atlantique et en Vendée, avec entre 17 et 19 degrés au meilleur de la journée. Sur la route, on a un accident, Jean-Jacques. Oui, on a eu un accident, en effet, sur la N165, qui nous avait été signalé tout à l'heure par Lilou, donc au niveau de Malville, en direction de Saint-Nazaire ou de Vannes. Quand vous avez quitté le périphérique ouest, vous avez rencontré des bouchons à partir de Vigneux de Bretagne. Au niveau de Vigneux de Bretagne, comptez presque une heure quand même de temps de trajet en plus sur votre parcours. Et puis aussi sur le périphérique nantais, là c'est Edith qui nous a signalé un accident sur le périph Porte d'Orvault en direction de la Porte de Rennes. Ça concernait un véhicule, mais pour l'instant ça va, c'est pas trop chargé au niveau circulation à ce niveau-là. C'est la pagaille à l'aéroport de Nantes. Les vols reprennent petit à petit, mais c'est encore très compliqué ce soir. 1000 personnes ont été évacuées juste avant midi à cause d'une alerte à la bombe. Les voyageurs ont dû se mettre à l'abri dans un parking couvert pendant 2 heures. Le doute a été levé sur le colis suspect. L'aéroport a rouvert ses portes, mais plusieurs vols ont été annulés. Une dizaine déroutés ou retardés également à cause de la mauvaise météo, décidément. Pendant ce temps, 8 autres aéroports ont aussi été évacués à cause de menaces d'attentats à Lille, Lyon, Nice, Strasbourg, Toulouse, Beauvais, Pau et Biarritz. Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir. 24 Français ont été tués et 7 sont toujours portés disparus selon Elisabeth Borne. Plusieurs probablement retenus en otage dans la bande de Gaza. Ce soir, Paris aura rapatrié 3500 Français d'Israël. La Première ministre annonce aussi que le Parlement débattra mardi prochain du conflit au Proche-Orient. À Nantes, une manifestation en soutien à la Palestine, prévue à 18h30 ce soir, a de nouveau été interdite par la préfecture par crainte de troubles à l'ordre public. Un couple des Sables d'Olonne placé en garde à vue pour trafic de drogue. Depuis le début de l'année, le couple revendait pour 3000 euros de drogue chaque mois. Les clients venaient directement acheter dans l'appartement. Après plusieurs mois d'enquête, la police les a interpellés hier. Ils seront convoqués devant le tribunal dans 4 mois. Les supporters montpelliérains ne sont pas les bienvenus ce week-end à Nantes. Dimanche, le FC Nantes accueille les footballeurs de Montpellier à 15h à la Beaujoire. Mais la préfecture vient de publier un arrêté. Elle interdit la venue de ses supporters de Montpellier aux alentours du stade, mais aussi à Nantes et dans les communes alentours entre samedi 20h et lundi 8h. La préfecture craint en fait des affrontements à cause des conflits entre les deux groupes de supporters. La tribune Loire en plus est fermée dimanche. Déjà, il y a un mois, les supporters montpelliérains n'avaient pas respecté ce même arrêté pris par la préfecture de Strasbourg. Enfin, ça s'appelle Mission Nature. Le gouvernement a lancé un loto pour la biodiversité à partir de la semaine prochaine. Chaque ticket à gratter proposé par la FDJ coûte 3 euros. Sur ces 3 euros, 43 centimes seront reversés à l'Office français de la biodiversité. Et cet argent servira à financer 20 projets de restauration de l'environnement. Parmi ces lauréats, une association de Loire-Atlantique basée à Corcoué. Elle prévoit de planter des haies notamment et de restaurer et de créer des mares dans le département. La météo, Jean-Jacques, on le disait, c'est beaucoup de vent et puis de la pluie. Beaucoup de vent, des nuages, la pluie, demain, jeudi. L'essentiel de cette journée, en effet, c'est ça. Un temps couvert, donnant des averses. Il faudra attendre la fin de la journée de jeudi pour que ces pluies se fassent rares et que le soleil peut-être montre le bout de son nez. Les maximales vont être comprises demain entre 18 et 19. En journée, ce vent de sud va souffler assez fort avec des rafales qui pourraient atteindre 65 km/h. Alors par contre, pour les minimales, le matin, c'est plutôt élevé pour la saison demain matin, puisqu'on va attendre 14 à 15 degrés. La météo du rivage, coefficient de marée de 78, Pornic pleine mer à 19h06, au Sable d'Olonne pleine mer à 19h18. Et pour aller sur le passage du bois, vous pouvez le faire demain de 12h45 à 15h45. La météo 100% locale avec le Mille Sabord, le salon nautique de Bretagne. Équipez, vendez ou achetez votre bateau neuf ou d'occasion sur le port du Crouesti. Info sur le millesabord.com.

faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Le collecteur du jour de France Bleu Loire-Océan, votre jeu spectacle tous les jours, des possibilités de sortie grâce à nous. Et aujourd'hui, il s'agit de deux places pour assister au spectacle de Maxime Gasteuil, l'humoriste, le mercredi de la semaine prochaine, le 25 octobre à 20h, au Zénith de Nantes. C'est du stand-up nouvelle génération. Son nouveau spectacle s'appelle Retour aux sources. Maxime Gasteuil qui s'énerve contre le manque de bon sens de notre monde actuel. Et il est retourné chez ses parents et a enfin compris pourquoi il ne se calmera jamais. Si vous voulez voir Maxime Gasteuil dans ce nouveau spectacle, sachez que Maxime Gasteuil a suivi des études avant de se lancer dans le monde du stand-up. Mais quelles études ? A-t-il fait des études de commerce ou des études de médecine, à votre avis ? Si vous avez une idée, n'hésitez pas. 02 40 73 6000. Et sur France Bleu Loire-Océan, pendant vos appels, c'est D'or de Florent Pagny. Une belle balade romantique et des paroles profondes et sensibles. Laisse ton âme libre au désir que tu crois. Garde ta flamme vive, je serai toujours là, même si tu ne me vois pas. Dors, ma petite fée, mon cœur, mon ange. Laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Je veillerai sur tes pas, je serai près de toi. Oh, je te promets que si si un jour tu tombes, ce sera dans mes bras, aussi longtemps que tu le voudras. Dors, laisse les étoiles te sourire. Dors, peut-être pour que j'ose enfin te dire le trésor que cache tes avances quand tu laisses glisser les draps. Quand tu m'offres une chance de partager avec toi tous les voyages que je ne ferai pas. Sur France Bleu Océan dans le 16-18, et Manuela pour notre jeu spectacle à Villeneuve-en-Ré. Bonjour Manuela. Bonjour France Bleu Océan. Et oui Manuela, vous avez trouvé visiblement les études qu'avait fait Maxime Gasteuil avant de devenir donc comique sur scène. Il faisait donc des études de commerce ou de médecine ? Bien, de commerce. Bah ouais, vous êtes bien renseigné sur cet homme. Maxime Gasteuil, que vous avez peut-être déjà vu sur scène avant ? Non, mais j'ai vu un spectacle déjà, c'était plutôt bien. Ouais, vous êtes bien fondu la poire, quoi. Ouais. Oh, bah, en ce moment, il faut. Hein. Ouais, voilà. Il y a besoin. Vous avez fini la journée ? Eh ben, j'ai fini la journée, c'est ça. Ouais, vous avez quitté le boulot, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben là, je suis sur le chemin du retour. Ouais, mais votre travail, je veux dire, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Ah, je travaille dans les assurances. Ah, d'accord. Bon, bah, les chiffres, tout ça. Non. Voilà. convaincre. Manuela, je vous remercie d'avoir été avec nous, de votre bonne humeur aussi. À une prochaine fois à Villeneuve-en-Ré. Et bon spectacle avec Maxime Gasteuil, mercredi de la semaine prochaine, au Zénith de Nantes. Au revoir. Merci beaucoup, super. Les disparus. C'est un nouveau spectacle qui va être créé à Bouguenay au nouveau pavillon. Une complainte criminelle sur une affaire criminelle terrible, celle de l'affaire Troadec. Donc une affaire qui s'est passée par chez nous. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Schling, schlang, les vikings sortent leur épée et bam, ils attaquent le village. C'était fou, maman. Mm-hmm. Et là, t'as un énorme drakkar qui sort de l'eau avec les vikings dessus. Pompe-le ! Mais t'as vu tout ça avec ton père ? Ouais ! T'exagères pas un tout petit peu là mon chéri ? Quoi ? Bah non ! On va vous prendre pour un fou. Pendant les vacances, le Puy du Fou crée l'événement avec la Frérie de la Toussaint, son grand festival de l'automne. Profitez de vos billets à moins 20% sur puydufou.com. Puy du Fou. Offre soumise à condition. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. 17h30 sur France Bleu Loire-Océan. L'infotrafic en temps réel, donc actuellement sur le périphérique nantais. Donc vous avez des problèmes de circulation hein, pour aller sur le périphérique ouest ou sud de la Loire en passant par le pont de Cheviret. Donc il s'agit d'un trafic avec des à-coups. Ça commence dès le niveau du Zénith de Nantes. Ça va jusqu'à pratiquement la porte de Rosé quand même. Ça fait pas mal de kilomètres concernés donc par ce ralentissement dans l'agglomération nantaise, mais sinon ça va mieux hein, sur la N165 hein. Tout à l'heure je vous avais signalé de grands bouchons, mais ça va, le problème est réglé. Il y a juste un trafic au ralenti là, sortie de Sautron sur cette N165 hein. Par contre sur la N137 le bouchon grandit un petit peu hein, presque 20 minutes de temps de trajet en plus sur votre parcours en direction de Rennes au niveau de Treillières. L'infotrafic 100% local avec les yaourts Le Petit Vendéen, du lait de nos éleveurs locaux, un atelier Vendéen et une recette médaillée. Le Petit Vendéen, des yaourts au bon goût de Vendée. France Bleu Loire-Océan, Jean-Jacques Lester. Le 16-18 de France Bleu Loire-Océan va être en direct de Bouquenay d'ici quelques minutes à la scène de musique Tradactuel, le nouveau pavillon qui vous prépare une surprise pour demain soir. Une création, hein, une création rare puisqu'il s'agit d'un spectacle entre récit et chant, une création qui s'appelle Les Disparus de Nantes, une complainte criminelle d'aujourd'hui donc. Et il y a aussi ces artistes musicaux de Loire-Atlantique et de Vendée qui se produisent dans nos studios rien que pour vous avec cette musique envoûtante cette semaine des Nantais qui s'appelle Supermoon. Vive le cinéma aussi avec France Bleu Océan, avec l'actualité riche en ce moment, avec le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon qui se passe actuellement et qui a invité deux personnalités prestigieuses du cinéma que vous allez découvrir d'ici quelques minutes. Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Oh, little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Bohemian Rhapsody de Queen, donc ce film biographique aussi, hein, c'est le titre du film, sur Queen et le chanteur Freddie Mercury. N'est plus le biopic qui a connu le plus grand succès de tous les temps, il a été dépassé cet été par Oppenheimer, le film sur le père de la bombe atomique. En direct sur France Bleu Loire-Océan de Bouguenay, nous avons Sylvain Giraud. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous, parce que là vous sortez d'un filage, puisque vous êtes en train de créer un nouveau spectacle hein, qui s'appelle Les Disparus de Nantes, une complainte criminelle d'aujourd'hui que vous allez montrer donc demain soir, jeudi 19 octobre à 20h30 au nouveau pavillon à Bouguenay. Donc vous êtes deux, hein, il y a vous, Sylvain Giraud, et Nicolas Bonneau. Donc cette complainte criminelle d'aujourd'hui, comment on peut décrire ça? Alors c'est un spectacle, c'est un récit à la fois chanté et raconté, donc à deux voix, une voix qui chante, une voix qui raconte, qui dit. On s'inspire sur la forme, en fait, on s'inspire des anciennes complaintes criminelles qui étaient chantées au 19e et même encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans les foires, dans les marchés, sur les places publiques. Et puis sur le fond, on voulait pas traiter justement d'un fait divers ancien de cette époque-là, mais on voulait traiter d'un fait divers contemporain. Donc on raconte l'affaire Troadec, fameuse affaire qui a défrayé la chronique en 2017 dans le pays nantais, mais également un peu partout en France. Oui, alors c'est une affaire qui vous a retenu, hein, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire criminelle? Ben, comme dans tout fait divers, c'est souvent on s'intéresse pas spécialement à l'aspect, sordide des choses. C'est plus qu'un fait divers, il concentre tout un. En fait, c'est un concentré de vie sociale et de travers de la société. Dans le spectacle, on parle de burn-out, on parle de cancer du sein, on parle de darknet, on parle de jalousie familiale, de paranoïa, de légende urbaine. En fait, on parle vraiment, finalement, à travers cette affaire, de nous, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les protagonistes nous ressemblent par beaucoup. Voilà. Alors vous, Sylvain Géraud, c'est plus la partie chantée, non? C'est ça. Oui. Je joue également un peu de mandole, qui est une sorte de lutte, oui, mais essentiellement en chant. Et puis Nicolas, c'est un conteur, un des grands conteurs, ouais, français, qui tourne actuellement un spectacle s'appelle Monte Cristo. Et voilà, Nicolas Bonneau. Et donc on alterne en fait. Parfois on unit nos voix, mais voilà, c'est un spectacle qui alterne le chant et le récit. Bon, c'est bien ça, faut pas louper ça dans la scène de musique trad actuelle. Le nouveau pavillon à Bouguenay, ce jeudi 19 octobre, demain soir donc, à 20h30. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Merci. Et bon spectacle demain soir. Vive le cinéma avec France Bleu Océan, le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon bat son plein actuellement, une belle édition 2023, la 14e avec en invité d'honneur Emmanuel DeVos. Ce mercredi, le grand cinéaste Barbette Schroeder vient à La Roche-sur-Yon, c'est le réalisateur du Mystère von Bülow avec Jeremy Irons et Glenn Close, et du documentaire Choc, l'avocat de la terreur sur Jacques Vergès, le défenseur de Klaus Barbie. Charlotte Serrand, la directrice artistique du FIF 85, est heureuse de recevoir ce réalisateur Barbette Schroeder. Nous sommes extrêmement heureux de l'accueillir à l'occasion des 60 ans des films du Losange, la société de production qu'il a fondée. Et il présentera également à 18h30 aujourd'hui son nouveau film, Ricardo et la peinture, lors duquel il est allé rencontrer le peintre Ricardo Cavallo, peintre breton situé au Finistère Nord. C'est une rencontre très intime entre Ricardo et la peinture, et à travers ce portrait, Barbette Schroeder délivre une histoire de la peinture en général. On découvre un personnage assez fascinant qui ne mange que du riz depuis l'âge de 17 ans, qui se lève au gré des marées pour aller peindre les grottes en Bretagne. Donc c'est une véritable découverte, et Barbette Schroeder sera présent pour rencontrer le public à l'issue de la projection. Ah, ce n'est pas tout. Autre grand moment phare, c'est la présence d'Emmanuel DeVos à La Roche-sur-Yon grâce au Festival International du Film de La Roche. Et la grande actrice Emmanuel DeVos césarisée, notamment pour son rôle dans Sur mes lèvres de Jacques Audiard en 2002, et qui est une actualité importante puisqu'elle présentera deux de ses nouveaux films en tant qu'actrice, L'Homme d'argile d'Anaïs Télène, qui a été présenté récemment au Festival de Venise, ou Un silence de Joachim Lafosse. Elle rencontrera également le public ce samedi à 14h pour une rencontre en entrée libre. Nous sommes très heureux de l'accueillir au festival et de représenter tout au long de la semaine aussi une sélection de films de sa filmographie. La filmographie d'Emmanuel DeVos résume aussi très bien l'esprit du festival entre le côté accessible mais aussi intrépide. Et nous sommes très heureux de l'accueillir. Rencontrer Emmanuel DeVos à La Roche-sur-Yon, c'est ce samedi 21 octobre à 14h à l'Auditorium Le Ciel. Et pour vous, des places de cinéma pour voir le film de votre choix au Pathé Atlantis ou au Pathé de Nantes, justement à propos d'Emmanuel DeVos. Qui était le partenaire d'Emmanuel DeVos dans Sur mes lèvres? Était-ce Vincent Cassel ou Albert Dupontel? Elle joue avec qui dans Sur mes lèvres? Vincent Cassel ou Albert Dupontel? Pour vos places de cinéma, 02 40 73 6000. La Loire-Atlantique, c'est vous qui en parlez le mieux. Alors moi, mon paradis, c'est la mer. Préfaille, la pointe Saint-Gilda, vers voilà, côté de la Tcharbal. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. Ça fait du bien autour. jour. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. L'amour, Christophe Maé, Amadou et Mariam. Et c'est Nathalie Arezé qui pourra aller voir le film de son choix accompagnée de quelqu'un, la personne qu'elle veut, donc au pâté de Nantes ou au pâté Atlantis. Elle qui nous a révélé qu'elle était le partenaire d'Emmanuel Devos dans le film Sur mes lèvres. Était-ce Vincent Cassel ou Albert Dupontel? C'était Vincent Cassel. Et sur France Bleu, Loire-Océan, nous allons retrouver l'artiste nouvelle scène nantais donc de cette semaine, le groupe pop Supermoon, avec la super voix de Nolwenn Vert, leur chanteuse. Le 16-18, France Bleu, Loire-Océan, sortie, spectacle, bonne humeur et vous. Mois tout juste après leur dernier match à domicile, les Canaries retrouvent enfin leur rectangle vert en championnat. Le FC Nantes goûtera-t-il à nouveau au succès à domicile face à son ancien coach Michel Derzakarian? Le FC Nantes pourra-t-il continuer sur sa belle lancée face à une équipe qui joue gros dans ce championnat? Réponse ce dimanche après-midi avec au commentaire Florian Cazola dès 14h pour vivre cette rencontre entre Montpellier et le Football Club de Nantes en direct et en intégralité sur France Bleu Loire-Océan. Du 16 au 22 octobre, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon est de retour pour la 14e édition. Près de 150 séances, des films en première française, des rencontres avec notamment Emmanuel Devos, Damien Bonnard, Barbet Schroeder, des séances pour le jeune public et tant d'autres réjouissances à découvrir. Plus d'infos sur fif-85.com. France Bleu, Loire-Océan. La nouvelle scène de France Bleu Loire-Océan, c'est l'occasion de découvrir un artiste local. Ces artistes musicaux jouent en live dans nos studios, session enregistrée par nos techniciens, et cette semaine, c'est Supermoon, un quartet nantais de pop hypnotique, avec Nolwenn Vert au chant, à la guitare et au clavier. Supermoon nous transporte dans un voyage musical au-delà du rock, puisqu'il y a aussi du groove, de la folk et du jazz dans leur musique. Supermoon joue pour vous Gender. return all I want to know. Please be for me. Follow the past again to Karen, grab the unreachable. The last goes on high in my heart, my eyes closed like a flower. I don't listen to the least, the last comes one. Bubble back my heart and hunger muted. All I want to know, please be for me. Oh, la nouvelle scène de France Bleu Océan avec ce groupe nantais Super Moon, une belle découverte cette semaine. Super Moon, vous pourrez voir en concert à Nantes le 25 octobre prochain au Brassé pour le festival Culture Barbare, et le 17 décembre au Little Atlantic Brewery, donc toujours à Nantes cette semaine. La scène nantaise d'ailleurs est à l'honneur au Zénith de Nantes. C'est ce samedi soir un grand concert gratuit avec tout plein d'artistes nantais, dont Zao de Sagazan, Colline Rio, les Mad Foxys, pour vous deux invitations pour assister à ce moment incroyable en VIP, ce festival qui s'appelle Oz, OZ, hein, comme le magicien d'Oz. Donc deux invitations en VIP, c'est comme si vous allez vous retrouver en carré or, quoi, en quelque sorte, au Zénith de Nantes, ce samedi soir. C'est à partir de 18h, il suffit de nous appeler hein, pour avoir ces places. 02 40 73 6000. La Loire-Atlantique, c'est vous qui en parlez le mieux. Ah, moi, mon petit coin de paradis, c'est toujours le bord de mer. L'hiver, justement, c'est le Croisic, c'est Pornic, c'est ces petites villes-là. Et pour la plage, c'est la Baule. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. Sur France Bleu Loire-Océan, un bon plan là. Le guichet de l'habitat du Pays de Mortagne organise des soirées de l'habitat avec des réunions thématiques gratuites où vous pouvez tous assister avec des professionnels pour vous informer sur l'habitat avec les différentes formes d'habitat pour les seniors. C'est ce qui est prévu demain, jeudi 19 octobre à 18h. Vous saurez comment adapter votre logement au vieillissement. Salle de conseil de la communauté de communes du Pays de Mortagne, zone industrielle du Landreau à Chambéry. Ces réunions sont gratuites et ouvertes à tous. Et maintenant, donc, la recette facile du jour, les carottes au miso avec Christelle Navinet. Ben, on fait cuire des carottes à l'anglaise ou en vapeur, plutôt à l'anglaise parce qu'on peut réutiliser le jus de cuisson pour mixer la mousseline. Donc une fois les carottes cuites, on les met dans un blender, on met une cuillère à soupe de miso blanc, 6 à peu près cuillères à soupe de lait de coco, une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive et on mixe. Et si c'est encore un peu dur à mixer, eh bien, plutôt que de rajouter du lait de coco ou de l'huile d'olive, eh ben, on rajoute un peu d'eau de cuisson des carottes. Et en fait, le fait de mixer, ça fait vraiment de petites particules et ça fait une purée, une mousseline très très lisse. Christelle Navinel de l'épicerie Maison Marat au Croisic. Sur France Bleu Loire-Océan maintenant, c'est les téléphones. New York avec toi. Et ensuite, vous allez avoir les infos de 18h. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas, un jour, chaque tu m'emmèneras, emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. Chez moi, chez toi, chez nous, quoi, nous, un jour. facile que la vie en moi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. C'était Téléphone sur France Bleu Océan. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Loire-Océan. 18h sur France Bleu Loire-Océan. Colline Mollard, la météo des éclaircies ce soir en Loire-Atlantique et en Vendée. Oui, il faut en profiter car ça ne durera pas. Demain, retour du vent et de la pluie toute la journée avec entre 17 et 19 degrés au meilleur de la journée. Sur la route, on a plusieurs points de ralentissement. Oui, exactement. Sur le périphérique ouest de Nantes, par exemple, à partir de la porte d'Armor, comptez 20 minutes de temps de trajet en plus avec des bouchons qui commencent là et qui se poursuivent pont de Cheviré pour arriver pratiquement sur la porte de Rezé et sur la N137. Hein, c'est en direction de Rennes que ça se passe. Au niveau de Trélières, là aussi, comptez une bonne vingtaine de minutes de temps de trajet en plus. Une journée noire à l'aéroport de Nantes. Oui, les vols ont repris, mais plusieurs sont encore retardés ce soir. Ce midi, 1000 personnes ont été évacuées à cause d'une alerte à la bombe. Les voyageurs ont dû se mettre à l'abri dans un parking couvert pendant 2 heures. Après vérification du colis suspect, l'aéroport a rouvert ses portes, mais des vols ont été annulés, d'autres déroutés. La mauvaise météo s'y est mise aussi. Une vraie pagaille dans l'aéroport pour les voyageurs, Leïla Meshaouri. À peine rentré dans l'aéroport, les yeux rivés vers le tableau d'affichage des vols. Vous avez des nouvelles de votre avion ? Non, rien du tout. Enregistrement terminé et on ne s'est pas enregistré. On est arrivé à 11h, il a fallu sortir à 11h15. Alors voilà. Milan, Amsterdam, Londres, Francfort, Genève, Marseille, Malaga, tous retardés. Mais je suis paumée. Bon, il faut attendre, ils ne savent pas. Bon, voilà. Je cherche Ryanair. Moi, j'allais à Marseille. On m'a remis le vol pour demain, mais il faut que je me débrouille pour le logement. J'habite ailleurs, à côté de Toulon. Des infos compte-gouttes, parfois contradictoires. Une annonce demande aux passagers de Volotea de se rendre directement au hall 4. Et puis, quelques minutes plus tard, on les voit tous revenir au hall principal. Excusez-moi, c'est le bazar. Ça a été un peu le bordel. Et du coup, votre avion, il est à quelle heure ? J'en sais rien, mais je pars du principe que si je me mets dans toutes les files d'attente, je finirai par monter dedans. Sinon, bah, j'essaie d'être cool, hein. Ça sert à rien de s'énerver. Et à la mi-journée, 8 autres aéroports français ont aussi été évacués après des menaces d'attentats à Lille, Lyon, Nice et Toulouse, entre autres. Le château de Versailles a aussi été évacué pour la 3e fois depuis samedi après une fausse alerte à la bombe. La France est toujours placée en situation d'urgence attentat depuis l'assassinat vendredi dernier d'un professeur de français dans un lycée d'Arras. Alors que devait se tenir à Nantes un rassemblement en soutien à la Palestine dans une demi-heure place du commerce, rassemblement à nouveau interdit par la préfecture. Israël accepte l'envoi d'une aide humanitaire dans la bande de Gaza via l'Égypte. Gaza est la cible des représailles israéliennes après l'attaque du Hamas il y a 11 jours. La situation se dégrade de jour en jour. Cette Palestinienne y vit. Nabila Kilani, 40 ans, a dû quitter sa maison menacée par des bombardements et se réfugier chez sa sœur. Les bombardements, ils sont partout. On n'est pas averti. Alors, on prend nos mesures de sécurité selon ce qu'on peut, selon ce qu'on ressent. Là, on parle de bombardements. Et depuis plus d'une semaine, on manque les bases d'une vie quotidienne normale. On n'a pas de l'eau potable, et c'est à peine qu'on en trouve. On a le reste de notre réserve au niveau d'alimentation. On a peut-être 3-4 jours au maximum. Et en plus, depuis 5 jours, on n'a même pas vu une heure d'électricité. Il n'y a pas beaucoup de produits alimentaires qui entrent. Là, on est vraiment devant une crise et catastrophe humaine à cause de cette attaque israélienne. Selon Elisabeth Borne, 24 Français ont été tués et 7 toujours portés disparus, plusieurs probablement retenus en otage dans la bande de Gaza. Une jeune fille de 23 ans est morte à Fay de Bretagne dans un accident de la route. Cette habitante de Nozère rentrait du travail vers 15h quand elle a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. Elle a percuté deux voitures arrivant en sens inverse. Les trois jeunes occupants sont choqués. L'un de 31 ans, légèrement blessé, a été transporté au CHU de Nantes. Il revendait de la drogue dans leur appartement. Un couple des Sables d'Olonne a été placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Depuis le début de l'année, le couple revendait pour 3 000 € chaque mois. L'homme est un joueur compulsif et avait besoin d'argent. C'est ce qu'il a déclaré à la police au moment de son interpellation hier. Les supporters montpelliérains ne sont pas les bienvenus ce week-end à Nantes. La préfecture interdit leur venue aux abords du stade dès samedi soir. Le FC Nantes accueille les footballeurs de Montpellier dimanche à 15h à la Beaujoire. Mais la préfecture craint des affrontements. Les deux groupes de supporters ne sont pas amis, loin de là. En janvier dernier, les ultras avaient pris pour cible le minibus nantais à Montpellier. La météo, Jean-Jacques, oui. c'est très humide. Voilà, c'est ça, c'est bien nuageux, couvert, ça donne des averses pour ce jeudi, ce ciel. Il faudra attendre la fin de journée de jeudi pour que les pluies se fassent rares et peut-être que le soleil va montrer le bout de son nez à ce moment-là. Les maximales vont être comprises demain entre 18 et 19 degrés en prime à un vent de sud qui va souffler assez fort en journée avec des rafales qui pourront atteindre 65 km/h. Et des minimales au lever du jour, sympa, 14 à 15. France Bleu. Le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les deux demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAG 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noa, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Alors on va retrouver Marc-Henri Bossir, le PDG du Coq Sportif, dans un instant. Mais l'actu du jour, d'abord Arnaud Carré, elle est malheureusement plutôt en dehors du terrain. Oui, avec un contexte international pesant, avec l'attentat de Bruxelles en marge du match de foot Belgique-Suède. La sécurité était, Dominique, au cœur de la conférence de presse des organisateurs de la Coupe du Monde ce midi. Mais pour le président de France 2023, Jacques Rivoal, le passage en France du plan Vigipirate renforcé au niveau urgence attentat ne changera finalement pas grand-chose pour les deux demi-finales du Stade de France et sur les deux derniers villages rugby qui seront ouverts ce week-end à Saint-Denis et à Paris. Jacques Rivoal. On avait déjà des process qu'on avait mis à un niveau maximum avec un système de double contrôle. Il y a un premier contrôle visuel des spectateurs pour vérifier les sacs, les manteaux, etc. Et puis ensuite, il y a un deuxième contrôle sous forme de palpation. Donc ça, on l'avait déjà depuis le début de la Coupe du Monde. Donc